Chapitre 15, page 115. Exercice 4. 1. C'est à la fois compliqué et pénible de circuler un jour de grève des transports. 2. Denis n'a pas vu le danger. Il s'y est exposé naïvement. 3. Ces problèmes sont ardus et nous avons beaucoup de mal à les résoudre. 4. J'ai finalement accepté cette mission comme si c'était un jeu et j'y prends du plaisir. 5. Hubert a accepté une mission sans savoir du tout où cela le mènera. 6. Franchement, il est absurde de travailler comme un fou pour ce projet sans intérêt.